Section 10 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, livre deuxième, Les trois enfants. Chapitre 1. Pluscam Sibilia Bella. L'été de 1792 avait été très pluvieux. L'été de 1793 fut très chaud. Par suite de la guerre civile, il n'y avait, pour ainsi dire, plus de chemin en Bretagne. On y voyageait pourtant, grâce à la beauté de l'été. La meilleure route est une terre sèche. À la fin d'une sereine journée de juillet, une heure environ après le soleil couché, un homme à cheval, qui venait du côté d'Avranches, s'arrêta devant la petite auberge dite la Croix-Branchard, qui était à l'entrée de Pontorson, et dont l'enseigne portait cette inscription qu'on y lisait encore il y a quelques années « Bon cidre à dépoteiller ». Il avait fait chaud tout le jour, mais le vent de mer commençait à souffler. Ce voyageur était enveloppé d'un ample manteau qui couvrait la croupe de son cheval. Il portait un large chapeau à cocarde tricolore, ce qui n'était point sans hardiesse dans ce pays de haies et de coups de fusil où une cocarde était une cible. Le manteau noué au cou s'écartait pour laisser les bras libres, et, dessous, on pouvait entrevoir une ceinture tricolore et deux pommeaux de pistolet sortant de la ceinture. Un sabre qui pendait dépassait le manteau. Au bruit du cheval qui s'arrêtait, la porte de l'auberge s'ouvrit et l'aubergiste parut, une lanterne à la main. C'était l'heure intermédiaire, il faisait jour sur la route et nuit dans la maison. L'autre regarda la cocarde. « Citoyen, dit-il, vous arrêtez-vous ici ? Non. Où donc allez-vous ? À Dole. En ce cas, retournez à Avranches ou restez à Pontorson. Pourquoi ? Parce qu'on se bat à Dole. Ah ! Dit le cavalier. Et il reprit. Donnez l'avoine à mon cheval. L'hôte apporta l'auge, y vida un sac d'avoine et débrida le cheval qui se mit à souffler et à manger. Le dialogue continua. Citoyen, est-ce un cheval de réquisition ? Non. Il est à vous ? Oui, je l'ai acheté et payé. D'où venez-vous ? De Paris. Pas directement, non. Je crois bien, les routes sont interceptées, mais la poste marche encore. Jusqu'à Alençon. J'ai quitté la poste, là. Ah, il n'y aura bientôt plus de poste en France. Il n'y a plus de chevaux. Un cheval de 300 francs se paye 600 francs, et les fourrages sont hors de prix. J'ai été maître de poste, et me voilà gardetier. Sur 1313 maîtres de poste qu'il y avait, 200 ont donné leur démission. Citoyen, vous avez voyagé d'après le nouveau tarif. Du 1er mai, oui. 20 sous par poste dans la voiture, 12 sous dans le cambriolet, 5 sous dans le fourgon. C'est à Alençon que vous avez acheté ce cheval ? Oui. Vous avez marché aujourd'hui toute la journée ? Depuis l'aube, et hier ? Et avant-hier. Je vois cela. Vous êtes venu par Domfront et Mortain, et Avranches. Croyez-moi, reposez-vous, citoyen. Vous devez être fatigué, votre cheval l'est. Les chevaux ont droit à la fatigue, les hommes, non. Le regard de l'hôte se fixa de nouveau sur le voyageur. C'était une figure grave, calme et sévère, encadrée de cheveux gris. L'hôtelier jeta un coup d'œil sur la route qui était déserte à perte de vue et dit « Et vous voyagez seul, comme cela ? J'ai une escorte, où ça ? Mon sabre et mes pistolets. » L'aubergiste alla chercher un seau d'eau et fit boire le cheval. Et pendant que le cheval buvait, l'hôte considérait le voyageur et se disait en lui-même « C'est égal, il a l'air d'un prêtre. » Le cavalier reprit « Vous dites qu'on se bat à Dole. Oui, ça doit commencer dans ce moment-ci. Qui est-ce qui se bat ? Un ci-devant contre un ci-devant. Vous dites ? Je dis qu'un ci-devant qui est pour la République se bat contre un ci-devant qui est pour le roi. Mais il n'y a plus de roi, il y a le petit. Et le curieux, c'est que les deux ci-devants sont deux parents. » Le cavalier écoutait attentivement. L'aubergiste poursuivit. L'un est jeune, l'autre est vieux. C'est le petit-neveu qui se bat contre le grand-oncle. L'oncle est royaliste, le neveu est patriote. L'oncle commande les blancs, le neveu commande les bleus. Ah, ils ne se feront pas quartier, allez, c'est une guerre à mort. À mort ? Oui, citoyen, tenez. Voulez-vous voir les politesses qui se jettent à la tête ? Ceci est une affiche que le vieux trouve moyen de faire placarder partout, sur toutes les maisons et sur tous les arbres, et qu'il a fait coller jusque sur ma porte. L'hôte approcha sa lanterne d'un carré de papier, appliqué sur un des battants de sa porte, et, comme l'affiche était en très gros caractères, le cavalier, du haut de son cheval, put lire. « Le marquis de Lantenac a l'honneur d'informer son petit-neveu, monsieur le vicomte Gauvin, que si monsieur le marquis a la bonne fortune de se saisir de sa personne, il fera bellement arquebuser monsieur le vicomte. Et, poursuivit l'hôtelier, voici la réponse. Il se retourna et éclaira de sa lanterne une autre affiche, placée en regard de la première, sur l'autre battant de la porte. Le voyageur lut. Gauvin prévient Lantenac que s'il le prend, il le fera fusiller. Hier, dit l'hôte, le premier placard a été collé sur ma porte, et ce matin, le second. La réplique ne s'est pas fait attendre. Le voyageur, à demi-voix, et comme se parlant à lui-même, prononça ces quelques mots, que l'aubergiste entendit sans trop les comprendre. « Oui, c'est plus que la guerre dans la patrie, c'est la guerre dans la famille. Il le faut, et c'est bien. Les grands rajeunissements des peuples sont à ce prix. » Et le voyageur, portant la main à son chapeau, l'œil fixé sur la deuxième affiche, la salua. L'hôte continua. « Voyez-vous, citoyens, voici l'affaire. Dans les villes et dans les gros bourgs, nous sommes pour la Révolution. Dans la campagne, ils sont contre. Autant dire, dans les villes, on est français, et dans les villages, on est breton. C'est une guerre de bourgeois à paysans. Ils nous appellent pataux, nous les appelons rustaux. Les nobles et les prêtres sont avec eux. Pas tous, interrompit le cavalier. Sans doute, citoyen, puisque nous avons ici un vicomte contre un marquis. Et il ajouta à part lui. Et que je crois bien que je parle à un prêtre. Le cavalier continua. Et lequel des deux l'emporte? Jusqu'à présent, le vicomte. Mais il a de la peine, le vieux est rude. Ces gens-là, c'est la famille Gauvin, des nobles d'ici. C'est une famille à deux branches. Il y a la grande branche, dont le chef s'appelle le marquis de Lantenac, et la petite branche, dont le chef s'appelle le vicomte Gauvin. Aujourd'hui, les deux branches se battent. Cela ne se voit pas chez les arbres, mais cela se voit chez les hommes. Ce marquis de Lantenac est tout puissant en Bretagne. Pour les paysans, c'est un prince. Le jour de son débarquement, il a eu tout de suite 8000 hommes. En une semaine, 300 paroisses ont été soulevées. S'il avait pu prendre un coin de la côte, les Anglais débarquaient. Heureusement, ce Gauvin s'est trouvé là. Qui est son petit-neveu, drôle d'aventure. Il est commandant républicain et il a rembarré son grand-oncle. Et puis, le bonheur a voulu que ce Lantenac, en arrivant et en massacrant une masse de prisonniers, ait fait fusiller deux femmes, dont une avait trois enfants, qui étaient adoptés par un bataillon de Paris. Alors, cela a fait un bataillon terrible. Il s'appelle le bataillon du Bonnet Rouge. Il ne reste pas beaucoup de ces Parisiens-là, mais ce sont de furieuses baïonnettes. Ils ont été incorporés dans la colonne du commandant Gauvin. Rien ne leur résiste. Ils veulent venger les femmes et ravoir les enfants. On ne sait pas ce que le vieux en a fait de ses petits. C'est ce qui enrage les grenadiers de Paris. Supposez que ses enfants n'y soient pas mêlés. Cette guerre-là ne serait pas ce qu'elle est. Le vicomte est un bon et brave jeune homme, mais le vieux est un effroyable marquis. Les paysans appellent ça la guerre de Saint-Michel contre Belzébuth. Vous savez peut-être que Saint-Michel est un ange du pays. Il a une montagne à lui au milieu de la mer dans la baie. Il passe pour avoir fait tomber le démon et pour l'avoir enterré sous une autre montagne qui est près d'ici et qu'on appelle Tomblaine. Oui, murmura le cavalier. Tomba Bellini, la tombe de Bellénus, de Bellus, de Belle, de Bélial, de Belzébuth. Je vois que vous êtes informé. Et l'autre se dit en aparté. Décidément, il sait le latin, c'est un prêtre. Puis il reprit. Eh bien, citoyens, pour les paysans, c'est cette guerre-là qui recommence. Il va sans dire que pour eux, Saint-Michel, c'est le général royaliste, et Belzébuth, c'est le commandant patriote. Mais s'il y a un diable, c'est bien Lantenac. Et s'il y a un ange, c'est Gauvin. Vous ne prenez rien, citoyens? J'ai ma gourde et un morceau de pain. Mais vous ne me dites pas ce qui se passe à Dole. Voici. Gauvin commande la colonne d'expédition de la côte. Le but de Lantenac était d'insurger tout, d'appuyer la basse Bretagne sur la basse Normandie, d'ouvrir la porte à Pitt et de donner un coup d'épaule à la grande armée vendéenne, avec 20 000 Anglais et 200 000 paysans. Gauvin a coupé court à ce plan, il tient la côte et il repousse Lantenac dans l'intérieur et les Anglais dans la mer. Lantenac était ici et il l'en a délogé. Il lui a repris Pontaubeau, il l'a chassé d'Avranches, il l'a chassé de Villedieu, il l'a empêché d'arriver à Granville. Il manœuvre pour le refouler dans la forêt de Fougères et Discerné. Tout allait bien. Hier, Gauvin était ici, avec sa colonne. Tout à coup, alerte. Le vieux, qui est habile, a fait une pointe. On apprend qu'il a marché sur Dole. S'il prend Dole et s'il établit sur le mont Dole une batterie, car il a du canon, voilà un point de la côte où les Anglais peuvent aborder et tout est perdu. C'est pourquoi, Comme il n'y avait pas une minute à perdre, Gauvin, qui est un homme de tête, n'a pris conseil que de lui-même, n'a pas demandé d'ordre et n'en a pas attendu, a sonné le bout de selle, attelé son artillerie, ramassé sa troupe, tiré son sabre, et voilà comment, pendant que l'Antonac se jette sur Dol, Gauvin se jette sur l'Antonac. C'est à Dol que ces deux fronts bretons vont se cogner. Ce sera un fier choc. Ils y sont maintenant. Combien de temps faut-il pour aller à Dol? À une troupe qui a des charrois, au moins 3 heures. Mais ils y sont. Le voyageur prêta l'oreille et dit. En effet, il me semble que j'entends le canon. L'hôte écouta. Oui, citoyen. Et la fusillade? On déchire de la toile. Vous devriez passer la nuit ici. Il n'y a rien de bon à attraper par là. Je ne puis m'arrêter. Je dois continuer ma route. Vous avez tort. Je ne connais pas vos affaires, mais le risque est grand. Et, à moins qu'il ne s'agisse de ce que vous avez de plus cher au monde... C'est en effet de cela qu'il s'agit, répondit le cavalier. De quelque chose comme votre fils, à peu près, dit le cavalier. L'aubergiste leva la tête et se dit à part soi. Ce citoyen me fait pourtant l'effet d'être un prêtre. Puis, après réflexion, après ça, un prêtre, ça a des enfants. Rebridez mon cheval, dit le voyageur. Combien vous dois-je? Et il paya. L'autre en jalouse le seau le long de son mur et revint vers le voyageur. Puisque vous êtes décidé à partir, écoutez mon conseil. Il est clair que vous allez à Saint-Malo. Eh bien, n'allez pas par Dol. Il y a deux chemins. Le chemin par Dol et le chemin le long de la mer. L'un n'est guère plus court que l'autre. Le chemin le long de la mer va par Saint-Georges-de-Brayaigne, Cherouette et Irel-le-Vivier. Vous laissez Dol au sud et Cancale au nord. Citoyen, au bout de la rue, vous allez trouver l'embranchement des deux routes. Celle de Dol est à gauche, celle de Saint-Georges-de-Brayne est à droite. Écoutez-moi bien, si vous allez par Dol, vous tombez dans le massacre. C'est pourquoi, ne prenez pas à gauche, prenez à droite. Merci, dit le voyageur. Et il piqua son cheval. L'obscurité s'était faite. Il s'enfonça dans la nuit. L'aubergiste le perdit de vue. Quand le voyageur fut au bout de la rue, à l'embranchement des deux chemins, il entendit la voix de l'aubergiste qui lui criait de loin « Prenez à droite !» Il prit à gauche. Chapitre 2. Dol. Dol, ville espagnole de France en Bretagne. Ainsi la qualifie des cartulaires, n'est pas une ville, c'est une rue. Grande vieille rue gothique, toute bordée à droite et à gauche de maisons à piliers, pointes alignées, qui font des capes et des coudes dans la rue, d'ailleurs très larges. Le reste de la ville n'est qu'un réseau de ruelles, se rattachant à cette grande rue diamétrale et y aboutissant comme des ruisseaux à une rivière. La ville, sans porte ni muraille, ouverte, dominée par le mont Dol, ne pourrait soutenir un siège. Mais la rue en peut soutenir un. Les promontoires de maisons, qu'on y voyait encore il y a 50 ans, et les deux galeries sous piliers qui l'abordent, en faisaient un lieu de combat très solide et très résistant. Autant de maisons, autant de forteresses, et il fallait enlever l'une après l'autre. La vieille halle était à peu près au milieu de la rue. L'aubergiste de la Croix-Branchard avait dit vrai. Une mêlée forcenée emplissait Dol au moment où il parlait. Un duel nocturne entre les blancs, arrivé le matin, et les bleus, survenus le soir, avait brusquement éclaté dans la ville. Les forces étaient inégales. Les blancs étaient 6 000, les bleus étaient 1 500, mais il y avait égalité d'acharnement. Chose remarquable, c'étaient les 1 500 qui avaient attaqué les 6 000. D'un côté une cohue, de l'autre une phalange. D'un côté 6 000 paysans, avec des cœurs de Jésus sur leurs vestes de cuir, des rubans blancs à leurs chapeaux ronds, des devises chrétiennes sur leurs brassards, des chapelets à leurs ceinturons, ayant plus de fourches que de sabres et des carabines sans baïonnettes, traînant des canons attelés de cordes, mal équipés, mal disciplinés, mal armés, mais frénétiques. De l'autre, 1 500 soldats, avec le tricorne à coquard tricolore, l'habit à grande basque et à grand revers, le baudrier croisé, le briquet à poignée de cuivre et le fusil à longue baïonnette, dressé, aligné, docile et farouche, sachant obéir en gens qui seraient commandés. Volontaires eux aussi, mais volontaires de la patrie, en haillons du reste et sans souliers. Pour la monarchie, des paysans paladins. Pour la révolution, des héros va-nu-pieds. Et chacune des deux troupes ayant pour âme son chef. Les royalistes, un vieillard, les républicains, un jeune homme. D'un côté l'Antenac, de l'autre Gauvin. La Révolution, à côté des jeunes figures gigantesques telles que Danton, Saint-Just et Robespierre, a les jeunes figures idéales, comme Hoche et Marceau. Gauvin était une de ces figures. Gauvin avait 30 ans, une encolure d'Hercule, l'œil sérieux d'un prophète et le rire d'un enfant. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il ne jurait pas. Il emportait à travers la guerre un nécessaire de toilette. Il avait grand soin de ses ongles, de ses dents, de ses cheveux qui étaient bruns et superbes. Et, dans les haltes, il secouait lui-même au vent son habit de capitaine qui était troué de balles et blanc de poussière. Toujours rué et perdument dans les mêlées, il n'avait jamais été blessé. Sa voix très douce avait à propos les éclats brusques du commandement. Il donnait l'exemple de coucher à terre, sous la bise, sous la pluie, dans la neige, roulé dans son manteau, et sa tête charmante posée sur une pierre. C'était une âme héroïque et innocente. Le sabre au poing le transfigurait. Il avait cet air efféminé qui, dans la bataille, est formidable. Avec cela, penseur et philosophe, un jeune sage. Alcibiade, pour qui le voyait, Socrate, pour qui l'entendait. Dans cette immense improvisation qui est la Révolution française, ce jeune homme avait été tout de suite un chef de guerre. Sa colonne, formée par lui, était, comme la Légion romaine, une sorte de petite armée complète. Elle se composait d'infanterie et de cavalerie. Elle avait des éclaireurs, des pionniers, des sapeurs, des pontonniers. Et de même que la Légion romaine avait des catapultes, elle avait des canons. Trois pièces attelées faisaient la colonne forte en la laissant maniable. L'Antonac aussi était un chef de guerre, pire encore. Il était à la fois plus réfléchi et plus hardi. Les vrais vieux héros ont plus de froideur que les jeunes, parce qu'ils sont loin de l'aurore, et plus d'audace, parce qu'ils sont près de la mort. Qu'ont-ils à perdre? Si peu de choses. De là, les manœuvres téméraires, en même temps que savantes, de l'Antonac. Mais, en somme, et presque toujours, dans cet opiniâtre corps à corps du vieux et du jeune, Gauvin avait le dessus. C'était plutôt fortune qu'autre chose. Tous les bonheurs, même le bonheur terrible, font partie de la jeunesse. La victoire est un peu fille. L'Antonac était exaspéré contre Gauvin. D'abord parce que Gauvin le battait. Ensuite parce que c'était son parent. Quelle idée a-t-il d'être jacobin, ce Gauvin, ce polisson, son héritier? Car le marquis n'avait pas d'enfant. Un petit-neveu, presque un petit-fils. Ah, disait ce quasi-grand-père, si je mets la main dessus, je le tue comme un chien. Du reste, la République avait raison de s'inquiéter de ce marquis de Lantenac. À peine débarqué, il faisait trembler. Son nom avait couru dans l'insurrection vendéenne comme une traînée de poudre, et Lantenac était tout de suite devenu centre. Dans une révolte de cette nature, où tous se jalousent et où chacun a son buisson ou son ravin, quelqu'un de haut qui survient rallie les chefs épars, égaux entre eux. Presque tous les capitaines des bois s'étaient joints à Lantenac et, de près ou de loin, lui obéissaient. Un seul l'avait quitté. C'était le premier qui s'était joint à lui, Gavard. Pourquoi? C'est que c'était un homme de confiance. Gavard avait eu tous les secrets et adopté tous les plans de l'ancien système de guerre civile que Lantenac venait supplanter et remplacer. On n'hérite pas d'un homme de confiance. Le soulier de la rouarie n'avait pu chausser Lantenac. Gavard était allé rejoindre Bonchamp. Lantenac, comme homme de guerre, était de l'école de Frédéric II. Il entendait combiner la grande guerre avec la petite. Il ne voulait ni d'une masse confuse, comme la grosse armée catholique et royale, foule destinée à l'écrasement, ni d'un éparpillement dans les alliés et les taillis, bon pour harceler, impuissant pour terrasser. La guérilla ne conclut pas ou conclut mal. On commence par attaquer une république et l'on finit par détrousser une diligence. Lantenac ne comprenait cette guerre bretonne, ni toute en race campagne, comme la Roche-Jacquelin, ni toute dans la forêt, comme Jean Chouan, ni Vendée, ni Chouannerie. Il voulait la vraie guerre, se servir du paysan mais l'appuyer sur le soldat. Il voulait des bandes pour la stratégie et des régiments pour la tactique. Il trouvait excellente pour l'attaque, l'embuscade et la surprise ses armées de village, tout de suite assemblées, tout de suite dispersées. Mais il les sentait trop fluides. Elles étaient dans sa main comme de l'eau. Il voulait, dans cette guerre flottante et diffuse, créer un point solide. Il voulait ajouter, à la sauvage armée des forêts, une troupe régulière, qui fût le pivot de manœuvre des paysans. Pensée profonde et affreuse. Si elle eût réussi, la Vendée eût été inexpugnable. Mais où trouver une troupe régulière? Où trouver des soldats? Où trouver des régiments? Où trouver une armée toute faite? En Angleterre. De là, l'idée fixe de Lantenac. Faire débarquer les Anglais. Ainsi capitule la conscience des partis. La cocarde blanche lui cachait l'habit rouge. Lantenac n'avait qu'une pensée. S'emparer d'un point du littoral et le livrer à Pitt. C'est pourquoi, voyant Dol sans défense, il s'était jeté dessus, afin d'avoir par Dol le Mont Dol et par le Mont Dol la côte. Le lieu était bien choisi. Le canon du Mondol balayerait d'un côté le Fresnois, de l'autre Sainte-Branlade, tiendrait à distance la croisière de Cancale et ferait toute la plage libre à une descente du Ras-sur-Couesnon à Saint-Méloir-des-Ondes. Pour faire réussir cette tentative décisive, Lantenac avait amené avec lui un peu plus de 6000 hommes, ce qu'il avait de plus robuste dans les bandes dont il disposait, et toute son artillerie. 10 couleuvrines de 16, une bâtarde de 8 et une pièce de régiment de 4 livres de balles. Il entendait établir une forte batterie sur le Mondol, d'après ce principe que 1000 coups tirés avec 10 canons font plus de besogne que 1500 coups tirés avec 5 canons. Le succès semblait certain. On était 6000 hommes. On avait à craindre, vers Avranches, que Gauvin ait ses 1500 hommes, et vers Dinan que l'Échelle. L'Échelle, il est vrai, avait 25000 hommes, mais il était à 20 lieues. Lantenac était donc rassuré, du côté de l'Échelle, par la grande distance contre le grand nombre, et du côté de Gauvin, par le petit nombre contre la petite distance. Ajoutons que l'Échelle était imbécile, et que, plus tard, il fit écraser ses 25000 hommes aux lampes de la Croix-Bataille, échec qu'il paya de son suicide. Lantenac avait donc une sécurité complète. Son entrée à Dole fut brusque et dure. Le marquis de Lantenac avait une rude renommée, on le savait sans miséricorde. Aucune résistance ne fut essayée. Les habitants, terrifiés, se barricadèrent dans leurs maisons. Les 6000 Vendéens s'installèrent dans la ville avec la confusion campagnarde, presque en champ de foire, sans fourrier, sans logis marqué, bivouaquant au hasard, faisant la cuisine en plein vent, s'éparpillant dans les églises, quittant les fusils pour les rosaires. Lantenac alla en hâte, avec quelques officiers d'artillerie, reconnaître le Mondol, laissant la lieutenance à Gouges de Bruant, qu'il avait nommé sergent de bataille. Ce Gouges de Bruant a laissé une vague trace dans l'histoire. Il avait deux surnoms, Brise Bleu, à cause de ses carnages de patriotes, et Limmanus, parce qu'il avait en lui on ne sait quoi d'inexprimablement horrible. Immanus, dérivé d'Imanis, est un vieux mot bas-normand, qui exprime la laideur surhumaine et quasi divine dans l'épouvante. Le démon, le satyre, l'ogre. Un ancien manuscrit dit « Mais d'ailleurs, je vis l'Immanus ». Les vieillards du bocage ne savent plus aujourd'hui ce qu'est que Gouges de Bruant, ni ce qui signifie Brise Bleu. Mais ils connaissent confusément l'Immanus. L'Immanus est mêlé aux superstitions locales. On parle encore de l'Immanus à Trémorel et à Plumoga, deux villages où Gouges de Bruant a laissé la marque de son pied sinistre. Dans la Vendée, les autres étaient les sauvages. Gouges de Bruant était le barbare. C'était une espèce de cacique, tatoué de croix de pardieu et de fleurs de lys. Il avait sur sa face la lueur hideuse et presque surnaturelle d'une âme à laquelle ne ressemblait aucune autre âme humaine. Il était infernalement brave dans le combat, ensuite atroce. C'était un cœur plein d'aboutissements tortueux, porté à tous les dévouements, enclin à toutes les fureurs. Raisonnait-il ? Oui. Mais comme les serpents rampent, en spirale. Il partait de l'héroïsme pour arriver à l'assassinat. Il était impossible de deviner d'où lui venaient ses résolutions, parfois grandioses à force d'être monstrueuses. Il était capable de tous les inattendus horribles. Il avait la férocité épique. De là, ce surnom difforme, l'Immanus. Le marquis de Lantenac avait confiance en sa cruauté. Cruauté, c'était juste. L'Immanus y excellait. Mais en stratégie et en tactique, il était moins supérieur. Et peut-être le marquis avait-il tort d'en faire son sergent de bataille. Quoi qu'il en soit, il laissa derrière lui l'Immanus, avec charge de le remplacer et de veiller à tout. Gouges de Bruant, homme plus guerrier que militaire, était plus propre à égorger un clan qu'à garder une ville. Pourtant, il posa des grandes gardes. Le soir venu, comme le marquis de Lantenac, après avoir reconnu l'emplacement de la batterie projetée, se retournait vers Dole, tout à coup il entendit le canon. Il regarda. Une fumée rouge s'élevait de la grande rue. Il y avait surprise, irruption, assaut, on se battait dans la ville. Bien que difficile à étonner, il fut stupéfait. Il ne s'attendait à rien de pareil. Qui cela pouvait-il être? Évidemment, ce n'était pas Gauvin. On n'attaque pas à 1 contre 4. Était-ce l'Échelle? Mais alors, quelle marche forcée? L'Échelle était improbable, Gauvin impossible. Lantenac poussa son cheval. Chemin faisant, il rencontra des habitants qui s'enfuyaient. Il les questionna. Ils étaient fous de peur, ils criaient « Les bleus, les bleus !» Et quand il arriva, la situation était mauvaise. Voici ce qui s'était passé. Chapitre 3. Petites armées et grandes batailles. En arrivant à Dole, les paysans, on vient de le voir, s'étaient dispersés dans la ville, chacun faisant à sa guise, Comme cela arrive quand on obéit d'amitié, c'était le mot des Vendéens. Genre d'obéissance qui fait des héros, mais non des troupiers. Ils avaient garé leur artillerie avec les bagages, sous les voûtes de la vieille halle, et là, buvant, mangeant, chapelotant, ils s'étaient couchés pêle-mêle en travers de la grande rue, plutôt encombrés que gardés. Comme la nuit tombait, la plupart s'endormirent, la tête sur leur sac, quelques-uns ayant leur femme à côté d'eux, car, souvent, les paysannes suivaient les paysans. En Vendée, les femmes grosses servaient d'espions. C'était une douce nuit de juillet. Les constellations resplendissaient dans le profond bleu noir du ciel. Tout ce bivouac, qui était plutôt une halte de caravane qu'un campement d'armée, se mit à sommeiller paisiblement. Tout à coup, à la lueur du crépuscule, ceux qui n'avaient pas encore fermé les yeux virent trois pièces de canon braquées à l'entrée de la grande rue. C'était Gauvin. Il avait surpris les grandes gardes, il était dans la ville et il tenait avec sa colonne la tête de la rue. Un paysan se dressa, cria « Qui vive ?» et lâcha son coup de fusil. Un coup de canon répliqua. Puis une mousqueterie furieuse éclata. Toute la cohue assoupie se leva en sursaut. Rude secousse, s'endormir sous les étoiles et se réveiller sous la mitraille. Le premier moment fut terrible. Rien de tragique comme le fourmillement d'une foule foudroyée. Ils se jetèrent sur leurs armes. On criait, on courait, beaucoup tombaient. Les gars, assaillis, ne savaient plus ce qu'ils faisaient et s'arquebusaient les uns les autres. Il y avait des gens ahuris qui sortaient des maisons, qui y rentraient, qui sortaient encore et qui erraient dans la bagarre éperdus. Des familles s'appelaient. Combat lugubre, mêlé de femmes et d'enfants. Les balles sifflantes rayaient l'obscurité. La fusillade partait de tous les coins noirs. Tout était fumée et tumulte. L'enchevêtrement des fourgons et des charrois s'y ajoutait. Les chevaux ruaient, on marchait sur des blessés. On entendait à terre des hurlements. Horreur de ceci, stupeur de cela. Les soldats et les officiers se cherchaient. Au milieu de tout cela, de sombre indifférence, une femme allaitait son nouveau-né, assise contre un pan de mur auquel était adossé son mari, qui avait la jambe cassée, et qui, pendant que son sang coulait, chargeait tranquillement sa carabine et tirait au hasard, tuant devant lui dans l'ombre. Des hommes à plat ventre tiraient à travers les roues des charrettes. Par moments, il s'élevait un hourvari de clameurs. La grosse voix du canon couvrait tout. C'était épouvantable. Ce fut comme un abattis d'arbres. Tous tombaient les uns sur les autres. Gauvin, embusqué, mitraillait à coup sûr et perdait peu de monde. Pourtant, l'intrépide désordre des paysans finit par se mettre sur la défensive. Ils se replièrent sous la halle, vaste redoute obscure, forêt de piliers de pierre. Là, ils reprirent pied. Tout ce qui ressemblait à un bois leur donnait confiance. Limanus suppléait de son mieux à l'absence de Lantenac. Ils avaient du canon, mais au grand étonnement de Gauvin, ils ne s'en servaient point. Cela tenait à ce que les officiers d'artillerie, étant allés avec le marquis reconnaître le Mondol, les gars ne savaient que faire des couleuvrines et des bâtardes. Mais ils criblaient de balles les bleus qui les canonnaient. Les paysans ripostaient par la mousqueterie à la mitraille. C'était eux maintenant qui étaient abrités. Ils avaient entassé les haquets, les tombereaux, les bagages, toutes les futailles de la vieille halle, et improviser une haute barricade avec des claires-voies par où passaient leurs carabines. Par ces trous, leur fusillade était meurtrière. Tout cela se fit vite. En un quart d'heure, la halle eut un front imprenable. Ceci devenait grave pour Gauvin. Cette halle brusquement transformée en citadelle, c'était l'inattendu. Les paysans étaient là, massés et solides. Gauvin avait réussi la surprise et manqué la déroute. Il avait mis pied à terre, attentif, ayant son épée au poing sous ses bras croisés, debout dans la lueur d'une torche qui éclairait sa batterie, il regardait toute cette ombre. Sa haute taille dans cette clarté le faisait visible aux hommes de la barricade. Il était le point de mire, mais il n'y songeait pas. Les volées de balles qu'envoyait la barricade s'abattaient autour de Gauvin, pensif. Mais, contre toutes ses carabines, il avait du canon. Le boulet finit toujours par avoir raison. Qui a l'artillerie à la victoire. Sa batterie, bien servie, lui assurait la supériorité. Subitement, un éclair jaillit de la halle pleine de ténèbres. On entendit comme un coup de foudre, et un boulet vient trouer une maison au-dessus de la tête de Gauvin. La barricade répondait au canon par le canon. Que se passait-il? Il y avait du nouveau? L'artillerie, maintenant, n'était plus d'un seul côté. Un second boulet suivit le premier et vint s'enfoncer dans le mur, tout près de Gauvin. Un troisième boulet jeta à terre son chapeau. Ces boulets étaient de gros calibre. C'était une pièce de 16 qui tirait. « Où vise, commandant ?» crièrent les artilleurs. Et ils éteignirent la torche. Gauvin rêveur ramassa son chapeau. Quelqu'un en effet visait Gauvin. C'était Lantenac. Le marquis venait d'arriver dans la barricade par le côté opposé. Limanus avait couru à lui. « Monseigneur, nous sommes surpris. Par qui? Je ne sais. La route de Dinan est-elle libre? Je le crois. Il faut commencer la retraite. Elle commence. Beaucoup se sont déjà sauvés. Il ne faut pas se sauver. Il faut se retirer. Pourquoi ne vous servez-vous pas de l'artillerie? On a perdu la tête et puis les officiers n'étaient pas là. J'y vais. Monseigneur, j'ai dirigé sur Fougères le plus que j'ai pu des bagages, les femmes, tout l'inutile. Que vont-ils faire des trois petits prisonniers? Ah, ces enfants? Oui, ils sont nos otages. Fais-les conduire à la tourgue. » Cela dit, le marquis alla à la barricade. Le chef venu, tout changea de face. La barricade était mal faite pour l'artillerie. Il n'y avait place que pour deux canons. Le marquis mit en batterie deux pièces de 16 auxquelles on fit des embrasures. Comme il était penché sur un des canons, observant la batterie ennemie par l'embrasure, il aperçut Gauvin. « C'est lui » cria-t-il. Alors il prit lui-même les couvillons et le fouloir, chargea la pièce, fixa le fronton de mire et pointa. Trois fois, il ajusta Gauvin et le manqua. Le troisième coup ne réussit qu'à le décoiffer. « Maladroit !» murmura Lantenac. « Un peu plus bas, j'avais la tête !» Brusquement, la torche s'éteignit, et il n'eut plus devant lui que les ténèbres. « Soit, » dit-il. Et, se tournant vers les canonniers paysans, il cria « À mitraille !» Gauvin, de son côté, n'était pas moins sérieux. La situation s'aggravait. Une phase nouvelle du combat se dessinait. La barricade en était à le canonner. Qui sait si elle n'allait point passer de la défensive à l'offensive? Il avait devant lui, en défalquant les morts et les fuyards, au moins 5000 combattants, et il ne restait à lui que 1200 hommes maniables. Que deviendraient les républicains si l'ennemi s'apercevait de leur petit nombre? Les rôles seraient intervertis. On était assaillant, on serait assailli. Que la barricade fît une sortie, tout pouvait être perdu. Que faire? Il ne fallait point songer à attaquer la barricade de front. Un coup de vive force était chimérique. 1200 hommes ne débusquent pas 5000 hommes. Brusquer était impossible. Attendre était funeste. Il fallait en finir. Mais comment? Gauvin était du pays. Il connaissait la ville. Il savait que la vieille halle, où les Vendéens s'étaient crénelés, était adossée à un dédale de ruelles étroites et tortueuses. Il se tourna vers son lieutenant, qui était ce vaillant capitaine Guéchamp, fameux plus tard pour avoir nettoyé la forêt de Concise où était né Jean Chouan, et pour avoir, en barrant aux rebelles la chaussée de l'étang de la Chaîne, empêché la prise de Bourgneuf. « Guéchamp, dit-il, je vous remets le commandement. Faites tout le feu que vous pourrez. Trouez la barricade à coups de canon. Occupez-moi tous ces gars-là. » « C'est compris, dit Guéchamp. Massez toute la colonne, armes chargées, et tenez-la prête à l'attaque. » Il ajouta quelques mots à l'oreille de Guéchamp. « C'est entendu, dit Guéchamp. » Gauvin reprit. « Tous nos tambours sont-ils sur pied ? Oui. Nous en avons 9. Gardez-en 2, donnez-m'en 7. » Les 7 tambours vinrent en silence se ranger devant Gauvin. Alors Gauvin cria « À moi le bataillon du bonnet rouge !» 12 hommes, dont un sergent, sortirent du gros de la troupe. « Je demande tout le bataillon, » dit Gauvin. « Le voilà, » répondit le sergent. « Vous êtes 12 ? Nous restons 12. »« C'est bien, » dit Gauvin. Ce sergent était le bon et rude troupier Radoub, qui avait adopté au nom du bataillon les 3 enfants rencontrés dans le bois de la Saudraie. Un demi-bataillon seulement, on s'en souvient, avait été exterminé à Hermampel, et Radoub a eu ce bon hasard de n'en point faire partie. Un fourgon de fourrage était proche. Gauvin le montra du doigt au sergent. « Sergent, faites faire à vos hommes des liens de paille et qu'on torde cette paille autour des fusils pour qu'on n'entende pas de bruit s'ils s'entrechoquent. » Une minute s'écoula. L'ordre fut exécuté en silence et dans l'obscurité. « C'est fait !» dit le sergent. « Soldats, ôtez vos souliers !» reprit Gauvin. « Nous n'en avons pas !» dit le sergent. Cela faisait, avec les 7 tambours, 19 hommes. Gauvin était le 20e. Il cria « Sur une seule file, suivez-moi. Les tambours derrière moi, le bataillon ensuite. Sergent, vous commanderez le bataillon. » Il prit la tête de la colonne, et pendant que la canonnade continuait des deux côtés, ses 20 hommes, glissant comme des ombres, s'enfoncèrent dans les ruelles désertes. Il marcha quelque temps de la sorte, serpentant le long des maisons. Tout semblait mort dans la ville. Les bourgeois s'étaient blottis dans les caves. Pas une porte qui ne fût barrée, pas un volet qui ne fût fermé. De lumière nulle part. La grande rue faisait dans ce silence un fracas furieux. Le combat au canon continuait. La batterie républicaine et la barricade royaliste se crachaient à toute leur mitraille avec rage. Après 20 minutes de marche tortueuse, Gauvin, qui, dans cette obscurité, cheminait avec certitude, arriva à l'extrémité d'une ruelle, d'où l'on rentrait dans la grande rue. Seulement, on était de l'autre côté de la halle. La position était tournée. De ce côté-ci, il n'y avait pas de retranchement. Ceci est l'éternelle imprudence des constructeurs de barricades. La halle était ouverte, et l'on pouvait entrer sous les piliers où étaient attelés quelques chariots de bagages, prêts à partir. Gauvin et ses 19 hommes avaient devant eux les 5000 Vendéens, mais de dos et non de front. Gauvin parla à voix basse au sergent. On défit la paille nouée autour des fusils. Les 12 grenadiers se postèrent en bataille derrière l'angle de la ruelle, et les 7 tambours, la baguette haute, attendirent. Les décharges d'artillerie étaient intermittentes. Tout à coup, dans un intervalle entre deux détonations, Gauvin leva son épée et, d'une voix qui, dans ce silence, sembla un éclat de clairon, il cria « 200 hommes par la droite ! 200 hommes par la gauche ! Tout le reste sur le centre !» Les 12 coups de fusil partirent et les 7 tambours sonnèrent la charge. Et Gauvin jeta le cri redoutable des bleus « À la baïonnette ! Fonçons !» L'effet fut inouï. Toute cette masse paysanne se sentit prise à revers et s'imagina avoir une nouvelle armée dans le dos. En même temps, entendant le tambour, la colonne qui tenait le haut de la grande rue et le commandait Guéchamp s'ébranla, battant la charge de son côté, et se jeta au pas de course sur la barricade. Les paysans se virent entre deux feux. La panique est un grossissement. Dans la panique, un coup de pistolet fait le bruit d'un coup de canon. Toute clameur est fantôme, et l'aboiement d'un chien semble le rugissement d'un lion, ajoutant que le paysan prend peur, comme le chaume prend feu. Et, aussi aisément qu'un feu de chaume devient incendie, une paire de paysans devient déroute. Ce fut une fuite inexprimable. En quelques instants, la halle fut vide. Les gars terrifiés se désagrégèrent. Rien à faire pour les officiers. Limanus tua inutilement 2 ou 3 fuyards. On n'entendait que ce cri « Sauf qui peut !» Et cette armée, à travers les rues de la ville, comme à travers les trous d'un crible, se dispersa dans la campagne, avec une rapidité de nuée emportée par l'ouragan. Les uns s'enfuirent vers Châteauneuf, les autres vers Pléguère, les autres vers Entrain. Le marquis de Lantenac vit cette déroute. Il encloua de sa main les canons, puis il se retira, le dernier, lentement et froidement, et il dit « Décidément, les paysans ne tiennent pas, il nous faut les Anglais. » Chapitre 4. C'est la seconde fois. La victoire était complète. Gauvin se tourna vers les hommes du bataillon du Bonnet Rouge et leur dit « Vous êtes 12, mais vous en valez 1000. » Un mot du chef, c'était la croix d'honneur de ce temps-là. Guéchamp, lancé par Gauvin hors de la ville, poursuivit les fuyards et en prit beaucoup. On alluma des torches et l'on fouilla la ville. Tout ce qui ne put s'évader se rendit. On illumina la grande rue avec des pots à feu. Elle était jonchée de morts et de blessés. La fin d'un combat s'arrache toujours. Quelques groupes désespérés résistaient encore, çà et là. On les cerna et ils mirent bas les armes. Gauvin avait remarqué, dans le pêle-mêle effréné de la déroute, un homme intrépide, espèce de faune agile et robuste, qui avait protégé la fuite des autres et ne s'était pas enfui. Ce paysan s'était magistralement servi de sa carabine, fusillant avec le canon, assommant avec la crosse, si bien qu'il l'avait cassée. Maintenant, il avait un pistolet dans un poing et un sabre dans l'autre. On osait l'approcher. Tout à coup, Gauvin le vit qui chancelait et qui s'adossait à un pilier de la grande rue. Cet homme venait d'être blessé. Mais il avait toujours au poing son sabre et son pistolet. Gauvin mit son épée sous son bras et alla à lui. « Rends-toi » dit-il. L'homme le regarda fixement. Son sang coulait sous ses vêtements, d'une blessure qu'il avait, et faisait une mare à ses pieds. « Tu es mon prisonnier, » reprit Gauvin. L'homme resta muet. « Comment t'appelles-tu » l'homme dit. « Je m'appelle Dans sa l'ombre. »« Tu es un vaillant, » dit Gauvin. Et il lui tendit la main. L'homme répondit « Vive le roi !» Et, ramassant ce qui lui restait de force, levant les 2 bras à la fois, il tira au cœur de Gauvin un coup de pistolet et lui asséna sur la tête un coup de sabre. Il fit cela avec une promptitude de tigre. Mais quelqu'un fut plus prompt encore. Ce fut un homme à cheval qui venait d'arriver et qui était là depuis quelques instants, sans qu'on eût fait attention à lui. Cet homme, voyant le Vendéen lever le sabre et le pistolet, se jeta entre lui et Gauvin. Sans cet homme, Gauvin était mort. Le cheval reçut le coup de pistolet, l'homme reçut le coup de sabre et tous deux tombèrent. Tout cela se fit le temps de jeter un cri. Le Vendéen, de son côté, s'était affaissé sur le pavé. Le coup de sabre avait frappé l'homme en plein visage. Il était à terre, évanoui. Le cheval était tué. Gauvin s'approcha. « Qui est cet homme ? » dit-il. Il le considéra. Le sang de la balafre inondait le blessé et lui faisait un masque rouge. Il était impossible de distinguer sa figure. On lui voyait les cheveux gris. « Cet homme m'a sauvé la vie !» poursuivit Gauvin. « Quelqu'un d'ici le connaît-il »« Mon commandant !» dit un soldat. « Cet homme est entré dans la ville tout à l'heure, je l'ai vu arriver. Il venait par la route de Pontorson. » Le chirurgien-major de la colonne était accouru avec sa trousse. Le blessé était toujours sans connaissance. Le chirurgien l'examina et dit « Une simple balafre, ce n'est rien. Cela se recoue. Dans 8 jours, il sera sur pied. C'est un beau coup de sabre. » Le blessé avait un manteau, une ceinture tricolore, des pistolets, un sabre. On le coucha sur une civière, on le déshabilla. On apporta un seau d'eau fraîche. Le chirurgien lava la plaie. Le visage commença à apparaître. Gauvin le regardait avec une attention profonde. « A-t-il des papiers sur lui ?» demanda Gauvin. Le chirurgien tâta la poche de côté et en tira un portefeuille, qu'il tendit à Gauvin. Cependant, le blessé, ranimé par l'eau froide, revenait à lui. Ses paupières remuaient vaguement. Gauvin fouillait le portefeuille. Il y trouva une feuille de papier, pliée en 4. Il la déplia, il lut. « Comité de salut public. Le citoyen Simourdin. » Il jeta un cri. « Simourdin !» Ce cri fit ouvrir les yeux au blessé. Gauvin était éperdu. « Simourdin, c'est vous ! C'est la seconde fois que vous me sauvez la vie !» Simourdin regardait Gauvin. Un ineffable éclair de joie illuminait sa face sanglante. Gauvin tomba à genoux devant le blessé en criant « Mon maître ! Ton père !» dit Simourdin. Chapitre 5. La goutte d'eau froide. Ils ne s'étaient pas vus depuis beaucoup d'années, mais leur cœur ne s'était jamais quitté. Ils se reconnurent comme s'ils s'étaient séparés la veille. On avait improvisé une ambulance à l'hôtel de ville de Dole. On porta Simourdin sur un lit dans une petite chambre contiguë à la grande salle commune aux blessés. Le chirurgien, qui avait recousu la balafre, mit fin aux épanchements entre ces deux hommes et jugea qu'il fallait laisser dormir Simourdin. Gauvin, d'ailleurs, était réclamé par ces 1000 soins qui sont les devoirs et les soucis de la victoire. Simourdin resta seul, mais il ne dormit pas. Il avait 2 fièvres, la fièvre de sa blessure et la fièvre de sa joie. Il ne dormit pas, et pourtant, il ne lui semblait pas être éveillé. Était-ce possible? Son rêve était réalisé. Simourdin était de ceux qui ne croient pas au kin, et il l'avait. Il retrouvait Gauvin. Il l'avait quitté enfant, il le retrouvait homme. Il le retrouvait grand, redoutable, intrépide. Il le retrouvait triomphant, et triomphant pour le peuple. Gauvin était en Vendée, le point d'appui de la Révolution. Et c'était lui, Simourdin, qui avait fait cette colonne à la République. Ce victorieux était son élève. Ce qu'il voyait rayonner à travers cette jeune figure réservée, peut-être au panthéon républicain, c'était sa pensée à lui, Simourdin. Son disciple, l'enfant de son esprit, était dès à présent un héros et serait avant peu une gloire. Il semblait à Simourdin qu'il revoyait sa propre âme faite génie. Il venait de voir de ses yeux comment Gauvin faisait la guerre. Il était comme Chiron ayant vu combattre Achille. Rapport mystérieux entre le prêtre et le centaure. Car le prêtre n'est homme qu'à mi-corps. Tous les hasards de cette aventure, mêlés à l'insomnie de sa blessure, emplissaient Simourdin d'une sorte d'enivrement mystérieux. Une jeune destinée se levait, magnifique, et, ce qui ajoutait à sa joie profonde, il avait plein pouvoir sur cette destinée. Encore un succès, comme celui qu'il venait de voir, et Simourdin n'aurait qu'un mot à dire pour que la République confiât à Gauvin une armée. Rien n'éblouit comme l'étonnement de voir tout réussir. C'était le temps où chacun avait son rêve militaire. Chacun voulait faire un général. Danton voulait faire Westermann. Marat voulait faire Rossignol. Hébert voulait faire Ronsin. Robespierre voulait les défaire tous. Pourquoi pas Gauvin ? Se disait Simourdin. Et il songeait. L'illimité était devant lui. Il passait d'une hypothèse à l'autre. Tous les obstacles s'évanouissaient. Une fois qu'on a mis le pied sur cette échelle-là, on ne s'arrête plus. C'est la montée infinie. On part de l'homme et l'on arrive à l'étoile. Un grand général n'est qu'un chef d'armée. Un grand capitaine est en même temps un chef d'idée. Simourdin rêvait Gauvin grand capitaine. Il lui semblait, car la rêverie va vite, voir Gauvin sur l'océan chassant les Anglais, sur le Rhin châtiant les rois du Nord, aux Pyrénées repoussant l'Espagne, aux Alpes faisant signe à Rome de se lever. Il y avait en Simourdin 2 hommes, un homme tendre et un homme sombre. Tous deux étaient contents, car l'inexorable étant son idéal, en même temps qu'il voyait Gauvin superbe, il le voyait terrible. Simourdin pensait à tout ce qu'il fallait détruire avant de construire, et certes, se disait-il, ce n'est pas l'heure des attendrissements. Gauvin sera à la hauteur, mot du temps. Simourdin se figurait Gauvin, écrasant du pied les ténèbres, cuirassé de lumière, avec une lueur de météore au front, ouvrant les grandes ailes idéales de la justice, de la raison et du progrès, et une épée à la main, ange, mais exterminateur. Au plus fort de cette rêverie, qui était presque une extase, il entendit par la porte entr'ouverte qu'on parlait dans la grande salle de l'ambulance, voisine de sa chambre. Il reconnut la voix de Gauvin. Cette voix, malgré les années d'absence, avait toujours été dans son oreille, et la voix de l'enfant se retrouve dans la voix de l'homme. Il écouta. Il y avait un bruit de pas. Des soldats disaient « Mon commandant, cet homme-ci est celui qui a tiré sur vous. Pendant qu'on ne le voyait pas, il s'était traîné dans une cave. Nous l'avons trouvé. Le voilà !» Alors, Simourdin entendit ce dialogue entre Gauvin et l'homme. « Tu es blessé ?»« Je me porte assez bien pour être fusillé. Mettez cet homme dans un lit. Pensez-le, soignez-le, guérissez-le. Je veux mourir. Tu vivras. Tu as voulu me tuer au nom du roi. Je te fais grâce, au nom de la République. » Une ombre passa sur le front de Simourdin. Il eut comme un réveil en sursaut, et il murmura, avec une sorte d'accablement sinistre. « En effet, c'est un Clément. » Fin de la section 10.